Chapitre 9e. Paris, Paris! Les facteurs avaient ouvert les portières du train, dont les sifflements aigus retentissaient encore sous la haute nef de la gare. Les voyageurs se précipitèrent comme un troupeau vers les portes de sortie, et une poussée violente amena Angèle Sénéchal dans la salle d'attente des bagages. Elle avait passé la nuit sans dormir. Elle s'assit dans un coin et regarda d'un air effarouché la salle nue éclairée par la froide lumière du matin. Ses compagnons de route s'étaient groupés çà et là au milieu d'entassements de paquets. Sous le jour gris, les figures paraissaient hâves et maussades. Les femmes frissonnaient dans leur waterproof. Les enfants, subitement réveillés, pleuraient. Parfois, de l'autre côté du grillage bordant le couloir réservé au public, une voix interpellait l'un des nouveaux débarqués. Alors, c'étaient des exclamations de reconnaissance, des paroles de bienvenue, des échanges de questions amicales, qui faisait sentir à la jeune fille les premières tristesses de l'isolement. Personne n'attendait Angèle à l'arrivée, et elle se trouvait pour la première fois seule au milieu d'une grande ville. Mais l'espérance qui, dans la jeunesse, marche devant nous, légère comme notre ombre au rayon du matin, l'espérance la réconforta bien vite en donnant une autre direction à sa pensée. Le Paris de ses rêves n'était-il pas là? N'entendait-elle pas déjà, à travers les murs, sa grande voix sans cesse bourdonnante? Quand elle quitta la gare, il était 6 heures du matin et les rues commençaient à s'animer. Penchée à la portière de la voiture, Angèle examinait curieusement les longues files de hautes façades aux vitres desquelles le soleil allumait de rouges éclairs. Les platanes du boulevard agitaient au vent leur jeune verdure. Les lourdes charrettes des maraîchers, chargées de légumes, encombraient les abords des halles et répandaient une bonne odeur campagnarde. Les marchands de journaux pliaient les feuilles du matin encore humides. Sur le trottoir, le long des boutiques fermées, des ouvrières marchaient de ce pas élégant et alerte qui distingue la grisette parisienne. Quand la voiture roula sur les ponts, Angèle ne put retenir un cri d'admiration en apercevant la Seine ensoleillée et bordée de quais se prolongeant à perte de vue. Tout nageait dans une fine lumière rose. Les gros arbres tordus au-dessus de l'eau scintillante, les lourds bateaux amarrés aux arches des ponts, les frises des palais fièrement dressées au long des rives, et les massives rangées de vieux hôtels que dominaient des flèches et des tours d'église. La jeune fille n'était pas encore revenue de son éblouissement quand la voiture s'arrêta devant la grille de l'hôtel meublé. Angèle se nomma et remit à la maîtresse de l'hôtel la lettre de sa mère. Elle s'attendait à cet accueil questionneur mais cordial des gens de province. Elle fut déçue quand, après quelques phrases de politesse banale, l'hôtesse, la confiant à un domestique, retourna tranquillement à ses affaires. On la logea presque sous les toits, dans une triste chambre dont la fenêtre ouvrait sur une cour étroite et noire comme un puits et sur des pignes maussades qu'avoisinait le clocher trapu de Saint-Germain-des-Prés. Elle s'était promis de voir immédiatement la Genevraie, mais la nature fut plus forte que sa volonté. Après plusieurs nuits sans sommeil, elle se sentait la tête à la fois lourde et vide. Elle se jeta tout habillée sur son lit et s'endormit si profondément que lorsque ses yeux se rouvrirent, elle entendit sonner 4 heures du soir à l'église voisine. Il était trop tard maintenant pour faire la visite projetée. Il s'occupa de vider sa malle. N'osant sortir, elle se fit monter un modeste dîner qu'elle mangea tristement sur le bord d'un guéridon. Le soir venait. La chambre s'emplissait d'ombre. L'Angélus sonna au clocher de Saint-Germain-des-Prés, et ce tintement de cloche ramena la pensée d'Angèle vers le logis de la rue de Savonnières. Elle vit en imagination les traits bouleversés de M. Sénéchal, la figure consternée de Joseph, et ses yeux se mouillèrent. Mais sa légèreté naturelle et la mobilité de ses impressions allégèrent peu à peu ses remords. « Maman est à droite, » pensa-t-elle, « elle aura tout arrangé pour le mieux. Et puis ils changeront vite de sentiment, quand ils sauront que j'ai réussi. » Elle se remit à songer à ses espérances de fortune, à sa visite du lendemain. À Paris, où René Les Armoises vivait et travaillait, peut-être non loin d'elle. Elle reprit courage, fit un bout de prière et se déshabilla après s'être enfermée à double tour. C'est ainsi que finit sa première journée parisienne. Le lendemain, elle fut réveillée par les cris de la rue où dominait la note stridente du marchand de parapluies, qui, pareil au pivert des forêts, ne donne toute sa voix que lorsque le temps menace. En effet, le ciel était gris et rayé d'une pluie menue. Elle s'habilla lentement, grignota une tablette de chocolat avec le reste du pain de son dîner et se fit indiquer le chemin le plus direct pour se rendre chez la Genevraie. Il demeurait non loin de la rue Jacob, au cours de Rouen, dans l'un des coins les plus originaux du vieux Paris. Quand on y pénètre par le passage du commerce, et qu'après avoir franchi un obscur couloir voûté, on débouche dans cette cour, ou plutôt ces deux cours juxtaposées, on se croit transporté au fond de quelque antique ville de province. Tout y est quoi et endormi. Les voitures ne s'aventurent guère dans les rues voisines, et les vénérables hôtels du quartier abritent pour la plupart des librairies ou des ateliers de brochures, industries silencieuses et casanières qui ne troublent pas la somnolence générale. Les hauts bâtiments de pierre et de briques qui encadrent les deux cours et découpent sur le ciel le profil bizarre de leurs toitures irrégulières ont la mine rébarbative et un peu grotesque de ces vieillards attardés dans les modes et les façons d'un siècle évanoui. Les croisées du rez-de-chaussée sont défendues par de solides barreaux, mais aux lucarnes des toits, des géraniums rouges fleurissent dans des pots ébréchés et des hardes sèchent à l'extrémité d'une perche. Le silence de la province y a développé des habitudes de province. Le relieur du rez-de-chaussée s'est construit sur la voie publique une gloriette tapissée de vignes vierges. Le marchand de bric-à-brac d'en face étale sur les pavés herbeux les plus étranges épaves des mobiliers parisiens. Dans un angle du mur est encastrée une massive boîte aux lettres, avec cette inscription grosse de mystère, « Boîte du journal Le Ciel ». Vis-à-vis des tilleuls de la rue du Jardinet, au fond d'une encoignure, s'ouvre une double grille rouillée, flanquée à gauche d'un vieux puits à la poulie criarde et à droite d'un lit à grès les rabots gris. C'est là qu'habitait la Genevraie. Angèle n'en pouvait croire ses yeux. Elle s'était imaginé que ce Parisien à l'air riche, au goût raffiné, ne parlant que de millions, de grandes dames et d'artistes célèbres, devait habiter quelque hôtel somptueux au centre même des quartiers opulents de la capitale. Elle monta lentement l'escalier obscur, aux marches carrelées, et s'arrêta, le cœur battant, devant une porte du second étage. Point de sonnette, mais dans l'embrasure une ardoise sur laquelle était crayonnée cette prudente recommandation « Frappez trois coups et criez trois fois son nom !» L'étonnement de la jeune fille redoubla. Elle exécuta d'une voix mal assurée cette singulière consigne. Au bout de quelques instants, la clé tourna dans la serrure, et la Genevraie, lui-même, enveloppé dans une vieille robe de chambre fripée, ouvrit la porte. « C'est vous, ma toute belle? Entrez vite » s'écria-t-il de sa voix d'airain. Il guida Angèle à travers une antichambre encombrée de livres et l'introduisit dans une chambre à coucher en désordre. Des meubles dépareillés, des bibelots curieux, des armes de luxe s'y étalaient pêle-mêle avec des objets de la plus pauvre apparence. Le bureau était couvert de livres empilés, de papiers épars et d'épreuves corrigées. La Genevraie venait de se lever et ses yeux étaient encore gros de sommeil. « Vous voilà donc à Paris ?» dit-il à la visiteuse en la faisant asseoir. « Et comment vont ces braves gens de là-bas? Que devient cette bonne maman sénéchale ?» Angèle répondit que tout le monde était bien portant, et la conversation roula un moment sur des banalités. La jeune fille attendait toujours qu'il s'informât de l'objet de son voyage, mais la Genevraie restait muet sur ce point. À parler franc, il n'y pensait plus. En quittant Bay, il avait consciencieusement dépensé les 3 000 francs des héritiers Morel en copies de pièces, en consultations et en frais de voyage. Puis, une fois à sec, les difficultés contre lesquelles il se heurtait l'avaient vite rebuté. Gaspard n'était pas homme à longtemps se battre contre le même moulin à vent. Sur ses entrefaites, des amis à lui ayant lancé un journal, il était devenu l'un des plus vaillants tirailleurs de cette feuille de combat. Il ne vivait plus que pour le journal. Belle, la succession Morel, la famille Sénéchal, figuraient maintenant dans sa mémoire comme ses vieux dessins à demi effacés dont on a peine à retrouver les lignes confuses. La conversation devint bientôt languissante, et eut un moment de silence pendant lequel la pauvre Angèle entendait le morne ruissellement de la pluie contre les vitres. « Comptez-vous rester longtemps ici ?» demanda enfin la Genevraie. « Mais oui, » murmura-t-elle étonnée de la question. « J'y suis venue pour débuter comme vous me l'aviez conseillé. Je compte beaucoup sur votre appui, et je suis prête à entrer au théâtre que vous me désignerez. « Diable, diable » dit-il avec une nuance d'embarras. « Vous allez un peu vite, ma chère enfant, et les théâtres ne sont pas d'un accès aussi facile. D'abord, êtes-vous bien sûr de votre vocation ?»« Mais, » s'écria-t-elle interdite, « n'est-ce pas vous qui m'avez encouragé et poussé à devenir une artiste ?»« Certainement. J'ai rendu justice à vos dons naturels. Vous aviez un joli talent de province, mais nous sommes à Paris. où les talents foisonnent sur les deux rives de la Seine comme des nuées de moucherons. Il ne s'agit plus de ce pays de compliments. Vous avez de la voix, de la physionomie et de la finesse. Ce sont de précieux instruments, à la condition de savoir s'en servir. Marcher sur les planches, remuer les bras, lancer une réplique et jouer de la prunelle, et le tout dans le ton juste, cela n'a l'air de rien. Cependant, de plus fortes que vous y ont perdu leur temps et leur jeunesse. En un mot, la nature ne suffit point. Il y a la grammaire du métier dont vous ne vous doutez pas. Il pencha la tête pour regarder la jeune fille en face et vit les beaux yeux de bluet trempés de larmes. Ses pleurs, ses jolies lèvres entr'ouvertes et frémissant convulsivement, comme pour tenir un sanglot, firent impression sur ce bohème, qu'il se croyait cuirassé contre l'attendrissement par 30 années de déboire et de folles équipées. Son vieux cœur durci par les horions de la mauvaise fortune s'amollit un moment sous ce bleu regard mouillé de jeune fille. Il se rappela sa première désillusion, et ce souvenir de jeunesse réveilla en lui un sentiment d'affectueuse pitié. « Allons, » dit-il en tapant doucement sur l'épaule d'Angèle, « allons, ma belle, ne vous en prenez pas à vos yeux. Vous avez du courage et vous vous sentez la force d'étudier. » « Oh, monsieur, » répondit-elle d'une voix tremblante, mais résolue, « conseillez-moi, et je travaillerai de tout cœur. » « Bon, nous ferons de vous une artiste. Donnez-moi votre adresse. Demain, je vous conduirai chez un professeur de déclamation qui vous apprendra le métier. Il a un cours très suivi, et je vous recommanderai à lui. »« Merci, monsieur, » murmura la triste Angèle qui se voyait rejetée loin du but. « Est-ce que cet apprentissage sera long ?»« Voilà bien les femmes, » répliqua-t-il en haussant les épaules. Elles voudraient tout atteindre leurs rêves en un tour de main, comme on cueille une cerise à la branche. Point de patience pour un rouge liard. J'aurai de la patience, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Mais aurai-je assez d'argent pour attendre jusqu'au bout? Ah ah, fit-il en secouant sa crinière de lion. Toujours cette satanée question monétaire. Bah, nous trouverons un biais d'ici, à ce que votre bourse soit dégarnie. Et puis, ajouta-t-il en reprenant ses façons cyniques, morbleu, mamie, quand on est belle comme vous, il ne faut désespérer de rien. » Après quelques compliments du même genre, il la congédia. Le lendemain, à midi, il va la prendre en voiture à son hôtel et la conduisit à l'école de déclamation du professeur Saint-Félix. Cette école, située sur les hauteurs du boulevard Montparnasse, était connue sous le nom de Salle Corneille. Saint-Félix était un homme de 60 ans, scrupuleusement rasé, roulant de gros yeux enfoncés et tragiques, portant de longs cheveux gris bouclés sur la nuque, qui lui donnaient l'air d'un prêtre défroqué. Il parlait avec une volubilité nerveuse, toujours sur le mode lyrique, avec des gestes de théâtre, les bras écartés, les doigts frémissants. « Mon cher, lui cria la Genevraie, je t'amène une nouvelle Rachel, un diamant brut, que je ne veux confier qu'à toi, vieux lapidaire. Quand tu l'auras taillé et mis au point, il jettera des feux, je t'en réponds. Il en allumera aussi, morbleu, et ton école en gardera une rutilance éblouissante qui fera pâlir toutes les chandelles du conservatoire. » Et il continua longtemps sur ce ton enthousiaste qui contrastait fort avec ses réticences de la veille. Bref, il fut convenu qu'Angèle suivrait gratuitement le cours de Saint-Félix et que la Genevraie le paierait en réclame dans son journal. « Vous voilà attelé, » dit ce dernier Angèle en la reconduisant. « Maintenant, vous n'avez plus qu'à donner le coup de collier de la volonté. » Il faudra de temps à autre aller au théâtre pour vous initier à toutes les ficelles de la machine dramatique. Tenez, voici déjà une petite loge pour les Français. Emmenez-y ce soir votre maîtresse d'hôtel, cela vous conciliera ses bonnes grâces dans les jours de détresse. Là-dessus, ma toute belle, bon courage et au revoir. » Il la déposa au seuil de l'hôtel, lui baisa galamment la main, puis s'éloigna majestueusement, tenant le milieu de la rue et portant haut sa tête coiffée d'un chapeau à bord retroussé, qui s'inclinait sur l'oreille avec une crânerie impertinente.